Allons, partons ensemble, là où aucun être humain n'a jamais été. Oh non, faut être vraiment malade pour continuer d'imposer ça aux gosses. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi, j'ai regardé la télé. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Mon Dieu, quelle mère indigne je fais! J'en ai marre de me faire manipuler! T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Home Alone, le rendez-vous bimensuel des flemmards qui, malgré la réouverture des salles, continuent de regarder des films depuis le fond de leur canapé ou de leur lit, le rendez-vous du cinéma à la maison. Alors, il y a 15 jours, nous vous parlions, Jean et moi, de l'actualité des films que vous pouvez voir de chez vous depuis les internets. Et ce soir, comme de coutume, nous revenons dans vos oreilles pour vous parler de l'actualité des sorties DVD et Blu-ray et pour répondre aux messages que vous nous avez laissés. Jean, avant de commencer, est-ce qu'on a quelque chose à dire à nos auditeurs mis à part, où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver sur les réseaux, les plateformes? Non? Eh ben alors, je te laisse leur dire où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. Allez, vas-y. Ils peuvent nous retrouver sur Facebook. Ouais. Sur la page Home Alone, le podcast du cinéma. Mais... Oui, le podcast du cinéma à la maison, je crois. Enfin bref, en tapant Home Alone. Sur Instagram, pareil, Home Alone, le podcast, probablement. Ouais, @homealonecinema, je crois. Tout comme pour Instagram. Tu l'as déjà dit, tout comme pour Twitter, voilà. Et ils peuvent nous écouter, où peuvent-ils nous écouter? Alors, question piège. Ah, ils peuvent nous écouter sur les, bah, sur les principales plateformes musicales, enfin de son, comme Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et également Podcast Addict pour les détenteurs d'Android. Oui, et en fait, plein d'agrégateurs qui vont chercher leurs infos à droite à gauche. Bref, si vous avez quelque part où vous ne nous trouvez pas, dites-le nous et on s'y ajoutera. Eh bien, donc, si nous n'avons rien d'autre à ajouter, commençons alors. Et je te propose, Jean, d'ouvrir les hostilités tout en bienveillance, bien sûr, avec notre première rubrique du jour, la Gazette des Galettes. Merci. Les gens viennent parce qu'ils veulent regarder des films. C'est pour ça qu'ils viennent. Pourquoi tu retournes pas au vidéoclub, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas au vidéoclub. J'ai exactement ce que vous cherchez, les jeunes. La meilleure vidéo de toute la boutique. Tu vas me promettre de voir ça. Loue-le un jour. Ça a changé ma vie. C'est qui le bébé qui a pris le Roi Lion? Y en a bien un qui l'a pris! Vous louez beaucoup de vidéos. C'est vrai. Vous devriez vous inscrire à notre vidéo fan club, c'est pour les gens qui louent un peu trop de vidéos. Mais maman, le film est pas terminé. Ne discute pas. Monsieur Stubbins a l'air de penser que ces idioties de films sont en train d'affecter ton travail scolaire. Maman, monsieur Stubbins est un con. Alors, aujourd'hui, Jean, je crois que l'on va proposer à nos chers auditeurs de partir en voyage, n'est-ce pas? Et oui. Et où donc? Où donc? À Venise. Oui. Et Los Angeles. D'accord, très bien. Et avec qui? D'un côté, Michael Mann, Tom Cruise et Jamie Foxx. Joli. Et de l'autre, Nicolas Roeg, Donald Sutherland et Julie Christie. Tout aussi joli, joli, joli programme. Jolie poupée, dirait l'autre. Mais alors, donc, par quoi est-ce qu'on va commencer? On tire à pile ou face, comme disait Corinne Charby. Eh ben, allez, pile ou face, Venise ou Los Angeles? C'est Los Angeles. Allez. Voilà. Et donc, on va commencer avec Collateral, donc un film de Michel Homme. Michael Mann, en version originale, de 2004, qui ressort en 4K ultra haute définition, UHD, chez Paramount Pictures. Donc un film avec Tom Cruise, Jamie Foxx et Jada Pinkett Smith. Je ne sais jamais le prononcer. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, enfin, je crois que c'est Jada Pinkett maintenant, d'ailleurs. Oui, je crois qu'elle a enlevé le Smith, ouais. Et bien alors, explique-nous, alors qui sont ces gens, pour ceux qui ne les connaissent pas, Jean? Qui sont ces gens Commençons par Michael Mann. Michael Mann, cinéaste américain, qu'on aime plutôt bien. Quel genre de film il fait, Michael Mann? Oh, quel genre de film? Il fait tout, Michael Mann. Je crois qu'il a commencé par du documentaire et après, il est connu pour sa fiction. Il a commencé par du documentaire? Il me semble, ouais. Ok. Mais il est connu pour la fiction surtout et voilà, il touche... Fiction-action. Fiction-action, polar, est connu pour, entre autres, Heat, H-E-A-T, avec le fameux duo Robert De Niro-Al Pacino. Il nous a donné aussi Le Dernier des Mohicans, le titre français ne me revient pas, Fif, c'est son premier film, Le Solitaire, je crois que ça s'appelle, avec James Caan. Oui. Déjà très ancré dans le polar. Ouais. Le Sixième Sens, sa première adaptation de cet acteur qui Thomas Harris. Ouais. C'est les aventures d'Hannibal Lecter, mais c'est avant Hannibal Lecter. Je crois pas qu'il y ait Hannibal Lecter dans ce film. Je crois pas. En fait, c'est l'adaptation de Dragon Rouge. C'est ça. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait Hannibal, en effet. Et comment s'appelle cet acteur dans ce film? C'est celui qui a joué... William Peterson, les séries policières. Qui joue dans CSI, ouais. Les experts. Sachant que Michael Mann a aussi été producteur de télé, a été derrière des séries... Notamment des séries Miami Vice. Notamment Miami Vice. Notamment Miami Vice, oui. De flics à Miami. Et d'autres séries policières en général. Donc voilà pour Michael Mann. Tom Cruise, je pense qu'il se passe d'introduction. Je crois. Voilà. Jamie Foxx, peut-être que les gens voient pas forcément qui c'est Jamie Foxx, ses rôles les plus connus. Je l'ai sur le bout de la... celui qui lui a valu son Oscar là. Oui. Ray, voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a eu Ray et Michael Mann avait fait lui Ali, voilà, avec Will Smith. C'était les deux biopics sur des grands personnages afro-américains à la même époque, voilà. Et Jamie Foxx avait eu l'Oscar pour Ray. Je ne sais pas si c'était la même année d'ailleurs que Will Smith et Jamie Foxx étaient nommés pour l'Oscar du meilleur acteur. Je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas un an d'écart, 2004-2005. En tout cas, c'est très très proche. Et donc, il n'y a pas Will Smith, il y a Jamie Foxx, mais il y a l'ex-femme de Will Smith. Jamie Foxx est rappeur aussi. Et Jamie Foxx qui est rappeur aussi, oui. Et donc, l'ex-femme de Will Smith, qui est Jada Pinkett Smith, qu'on a vu aussi, notamment ailleurs, dans Matrix 2, je crois. Ouais. Et donc voilà, une belle brochette d'acteurs sous la houlette d'un très bon réalisateur qu'on aime beaucoup ici dans Home Alone, pour nous raconter une histoire toute simple, l'histoire d'un chauffeur de taxi qui prend en course la personne qu'il ne fallait pas prendre, à savoir un tueur à gages nommé Vincent. Vincent, qui est donc interprété par Tom Cruise, et ce chauffeur de taxi qui est interprété par Jamie Foxx. Donc, par où commencer sur ce film, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire? Moi, j'aimerais commencer déjà par le début. En revoyant ce film à l'occasion de la réédition, là, j'ai été frappé par le fait que Michael Mann est quand même un réalisateur qui peut être d'une efficacité redoutable. Je pense notamment à ces premières minutes d'exposition pendant lesquelles il va nous planter le personnage de Tom Cruise et surtout en fait le personnage de Jamie Foxx. Cette toute première séquence dans le garage avec tous les taxis où Jamie Foxx travaille, et en fait en quelques plans, en un montage hyper nerveux, il va tout nous dire de ce personnage. C'est-à-dire que ce mec est un chauffeur de taxi, il est psychorigide, il a un rêve d'ailleurs. Voilà un peu le milieu dans lequel il évolue, qui il est, comment il est. Bam. Et ça, c'est fait en 5 plans, quoi. Enfin, et c'est d'une efficacité redoutable. Et pour moi, c'est l'efficacité, ouais, c'est peut-être une belle en matière pour parler du cinéma de Michael Mann. Tu voulais qu'on commence par parler de quelque chose en particulier par rapport à ce film, à Collateral? Non, pas forcément, mais pour continuer sur ce que tu dis, ouais, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être là où on sent peut-être son passé de documentariste un peu. Enfin, il a pas fait beaucoup, hein. Je crois qu'il a travaillé pour la télé surtout. Enfin, il a fait plutôt des cours, je crois, à vérifier. Mais en tout cas, oui, il a vraiment un sens du détail assez impressionnant. C'est-à-dire que Là, les plans dont Clément vous parle, c'est typiquement dans des films, des gros films comme ça, des plans qui seraient vraiment anecdotiques et qui peuvent paraître anecdotiques pour certaines personnes qui regarderont le film, mais là, chez lui, vraiment, il n'y a pas de plan laissé au hasard. Non, c'est des plans très rapides. Il est dans le garage. On va voir un plan sur quelqu'un qui est en haut d'un escalier, mais c'est pas laissé au hasard et ça en dit beaucoup sur ça pose les bases des personnages, de qui ils sont et du monde dans lequel ils évoluent. Voilà. C'est très efficace, quoi. Même la manière dont il choisit d'introduire l'autre personnage principal, du coup le personnage de Tom Cruise dans cet aéroport où il y a beaucoup de circulation, tout ça, avec son costume gris, ses cheveux gris, comme ça tout de suite. Enfin, il y a ce truc d'extrême propreté. Enfin, tout compte, il y a une sorte d'économie comme ça de moyens qui est très très très très efficace. Moi, ce qui m'a marqué là au revisionnage de ce film, c'est à quel point en fait c'est un film, je trouve, qui parle de la ville, justement. Enfin, c'est une sorte de portrait de la ville comme l'espace où les gens se croisent, où les destins se croisent. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, la manière qu'il a de filmer les circulations et puis de raconter cette histoire. Ce qui est assez fascinant dans ce film, moi j'ai trouvé, c'est que les choses sont toujours à deux doigts de se passer ou de ne pas se passer. C'est-à-dire que, par exemple, au début du film... Vas-y. L'arrivée de Tom Cruise au taxi. Ouais, voilà. Oui, il a deux doigts de Tom Cruise d'aller sur le taxi derrière parce que lui, il est en train de lire quelque chose ou je sais plus quoi. Et il y a Jamie Foxx qui fait hey, revenez. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'on le voit. Jamie Foxx est à deux doigts de ne pas aller vers Tom Cruise. Enfin, tout est toujours comme ça dans ce film. Donc il y a ce moment à l'aéroport entre Tom Cruise et Jamie Foxx. Le moment où aussi. Jamie Foxx va rencontrer ce personnage de district attorney, de procureur fédéral qui est joué par Jada Pinkett Smith, où déjà tout commence sur une discussion à propos de la route à prendre, de la route la plus courte, de la route la plus rapide. Et finalement, alors voilà, on voit que quelque chose se noue entre les deux. Et puis elle part, et puis elle quitte le taxi. Et là, on se dit, bon, bah, comme lui, voilà, c'est fini, c'est une occasion manquée. Et finalement, in extremis, et comme pendant tout le film, in extremis, elle revient, et elle lui donne sa carte, et ça aura son importance plus tard dans le film. Et voilà, pareil, c'est encore une chose qui est à deux doigts de se passer ou de ne pas se passer. Et finalement, à chaque fois, tout est toujours comme ça dans ce film. On est toujours, et c'est ça qui participe à la tension de ce film, on est toujours tendu parce qu'on ne sait jamais si les choses vont arriver ou pas. Et là, notamment, je pense au métro, à la fin, voilà. Une question d'embranchement, par où on va, les choix qu'on fait pas, les choses qu'on fait pas. Ouais, c'est marrant, tu reparles de la carte, quand elle lui file sa carte, j'y ai même pas pensé sur le moment, et là quand tu l'as dit, ça m'est revenu d'un coup. C'est que c'est là où c'est assez génial, c'est qu'il a des motifs qui reviennent, Michael Mann, mais qui sont là très subtils, hein. Faudrait regarder les films tous à la suite pour s'en rendre compte, sinon c'est compliqué, ou les analyser vraiment en profondeur. Mais il y a souvent ce truc d'un échange d'un objet comme ça important, avec un plan sur les... En plus, c'est deux mains qui ne se touchent pas, mais qui s'échangent quelque chose. Voilà. Ouais. Et il y avait notamment ça dans Black Hat, Hacker en français, je crois. Avec une clé USB. Avec une clé USB, ouais. Je m'en souviens très bien de ce plan. Et qui avait toute son importance. Mais ouais, c'est des motifs comme ça. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de ce personnage de Jamie Foxx qui a un rêve, une envie d'ailleurs, quoi. Et ça, chez Michael Mann, là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est quasiment dans chaque film. Ouais. Dans Collatéral, c'est... Rêver de quelque chose, d'un endroit, et c'est souvent une plage, en général. Là, c'est une plage des Maldives, je crois. Oui, c'est ça. Qu'il a en photo, une sorte de carte postale sur son... comment on appelle ça ? Sur son... pas son abat-jour, son pare-soleil. Ouais, coincé dans son pare-soleil. Ouais. Et qu'il ne garde pas, d'ailleurs, qu'il donne, enfin, toujours cette circulation, en fait, qu'il va donner à cette femme. Assez curieux, d'ailleurs, qu'il lui donne, parce que... Ouais. Enfin, je trouve, mais... Ben oui. C'est très surprenant. Et en même temps, ça annonce peut-être aussi, du coup, bah, leur, Ouais. Leur retrouvaille plus tard. Oui, c'est ça, c'est que rien n'est au hasard, en fait. Rien n'est au hasard. Et en même temps, tout repose sur le hasard. C'est ça qui est très, très intéressant dans ce film. C'est que, en fait, ça questionne toujours cette notion de hasard. Hasard ou destin, est-ce que les choses sont prédestinées ou pas, pourquoi les choses arrivent et comment elles arrivent. Et c'est assez intéressant de voir comment il dénoue tout ça. Et une des autres choses de ce film aussi, mais là je pense que tu pourras mieux en parler de moi, c'est une des autres choses un peu marquantes de ce film, c'est que c'est un des premiers films, je crois, de Michael Mann, ou peut-être son premier, dans lequel il va mélanger deux techniques, c'est-à-dire le numérique et la pellicule, je crois. Ouais, il me semble que c'était c'est ça le premier film où il a expérimenté le numérique, parce que c'est un cinéaste qui depuis filme essentiellement en numérique, et un des rares cinéastes qui a vraiment réussi à faire quelque chose vraiment de passionnant avec le numérique. C'est-à-dire que c'est pas juste on passe au numérique parce que ça coûte moins cher, c'est plus simple, c'est vraiment il en fait quelque chose, quoi. Mais après c'est complexe, ça demanderait une longue discussion, mais en tout cas là on voit déjà des bribes d'essais, de scènes qui sont filmées en numérique, ce qui colle plutôt très bien avec ce qui est filmé. C'est pas forcément évident d'ailleurs de voir dans le film quelles scènes sont filmées en numérique ou en pellicule, parce que je pense qu'à l'étalonnage, etc., ils se sont débrouillés pour que ça colle et tout. Donc, mais bon. Oui, surtout que nous, en regardant le film, on a regardé cette réédition Paramount, mais on a aussi réussi à regarder, comment ça s'appelle, une version... OpenMate, je sais pas comment. Ouais, OpenMate, OpenMate. De T. Et en fait, ça c'est... T'expliqueras mieux que ça, mieux que moi, en quoi ça consiste, ces versions. Je connais vraiment pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est qu'il y a pas mal de films, quand ils sont tournés, au final, l'image est plus grande que le résultat final, c'est-à-dire qu'ils filment plus large, et sur leur écran de caméra, de visualisation, ils ont quand même des bandes qui leur permettent de voir ce qu'ils filment, ce que va être le résultat final. Mais au final, je sais pas si c'est par précaution ou pas, mais ils filment plus large, en haut et en bas en général. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend les rushs tels quels, sans être passé par le montage, on a plus d'images en haut et en bas. Ouais. Et il y a des je sais pas si ça se fait en DVD ou pas, mais en tout cas, sur Internet, il y a de plus en plus de versions open mat comme ça de films. Oui, ça, c'est pas présent sur l'édition Paramount, mais c'est vrai qu'en la regardant, là, on voit du coup tout de suite les plans qui ont été tournés en pellicule et les plans qui ont été tournés en numérique. Et pour du numérique de 2004, en fait, on se rend compte que le passage de l'un à l'autre est très fluide, et que même parfois ils mélangent les deux dans plusieurs séquences, et que en fait le tout est très harmonieux, en fait. Il a vraiment su allier les deux techniques. Ouais, je suis pas sûr, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est aussi le numérique l'a intéressé, peut-être probablement par rapport à l'ambiance de Los Angeles, les lumières, etc. Il y a vraiment en plus une vraie ambiance là. C'est des lumières assez froides, en fait, bleutées et enfin bleu-blanc, quoi. Et je me souviens même avoir lu un article qui prenait exemple sur ce film-là et qui disait qu'à Los Angeles, ça doit faire au moins 6-7 ans maintenant que j'ai lu cet article, les lumières, l'éclairage public avait changé. Oui. Et que maintenant... Avec le passage à l'éclairage LED. Ça a changé vraiment la gueule des films. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, c'est un changement dans la ville qui se ressent... dans le cinéma, puisque d'un coup tout est plus orangé, etc. On n'est plus du tout dans les couleurs froides, ça passe au chaud, quoi. Alors justement, oui, parce que de base les éclairages publics sont généralement au sodium, ce qui en vieillissant, ce qui est jaune de base et qui devient orange voire rouge avec des petites teintes rosées comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant avec le sodium, quand tu as une rue ou une avenue au sodium, c'est que si toutes les lumières n'ont pas été changées au même moment, chaque lumière peut avoir sa teinte qui lui est propre. Alors que oui, pour des soucis d'économie d'énergie, en fait, les municipalités un peu partout dans le monde sont en train de passer à la LED, et bien souvent c'est de la LED blanche, et du coup oui, ça ça change complètement, complètement le paysage visuel nocturne de nos villes. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que ça me donne envie de rebondir sur un aspect très important, je pense, de ce film, c'est le traitement de la couleur dans ce film et en fait dans peut-être un petit peu tous les films de Michael Mann. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que dans Collateral comme ailleurs dans sa filmographie, c'est quelqu'un qui utilise la couleur pour dire des choses et notamment pour dire des choses, des situations dans lesquelles vont rentrer les personnages, notamment sur les bleus, sur les verts. Enfin, c'est presque une sorte de code, j'ai l'impression, chez Michael Mann, qui aurait une sorte de signification. Par exemple, le bleu dans cette boîte de nuit. Parce que enfin, je crois qu'une fois, on avait évoqué ça quand on avait regardé, il y a longtemps, quand on était en prépa, Miami Vice, quand on était au cinématographe à Nantes. Une sorte de concordance comme ça entre le bleu qui serait synonyme de danger et le vert qui serait la couleur de la sécurité ou ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, non, il y avait quelque chose, il y a clairement un jeu sur les couleurs, enfin c'est tout est pensé, mais je me souviens plus, faudrait que je revoie les films là, ça fait longtemps que je les ai pas vus la plupart, mais oui, enfin dans tous les cas, Michael Mann a un goût pour le bleu. Je pense que c'est la couleur qui revient le plus. Hein. Dans Heat, il y a vraiment un plan avec De Niro dans son appart en silhouette, la nuit tombée, tout est. C'est un bleu tellement pas naturel, quoi. Ça, il y a aussi, dans toutes les scènes où William Peterson est chez lui dans le sixième sens. Ah ouais, avec dans le sa sixième femme. Sens, il y a des trucs bleus, ouais. Même ils sont sur une plage au début, c'est une sorte de nuit américaine bleu foncé. Et puis même dès le premier film, Le Solitaire, et rien que le titre était écrit en bleu, ce bleu. Très particulier, qu'il utilise aussi au générique de Miami Vice. Enfin oui, c'est pas juste sa couleur, c'est peut-être sa couleur préférée, mais c'est pas juste sa couleur préférée, voilà, ça a toujours, il s'en sert pour raconter quelque chose sur les personnages et sur ce qui se passe dans le film, quoi, à ce moment, à tel ou tel moment, quoi. Il y a le rouge aussi, forcément, ça revient souvent, enfin... C'est deux couleurs qui évoquent du coup un peu le polar et tout, et je me demande si Michael Mann serait pas clairement un peu... Ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu à l'origine de ça, parce qu'il était vraiment à la tête de séries policières en tant que producteur exécutif. Il avait fait une autre série, je crois que ça s'appelait les... je sais plus, c'était un truc à Chicago. Les premiers épisodes étaient réalisés par Abel Ferrara, qui lui aussi adore ces couleurs-là, rouge, bleu et tout. Donc bon, okay. Tout se rejoint. Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu à la base d'un certain style qui est devenu très normal en fait dans le policier, le polar, etc. À la télé. Bon, après, bon, je dis ça, mais je pense maintenant à Jean-Pierre Melville qui aussi faisait des choses. Je crois que Melville, c'est un cinéaste que Michael Mann aime beaucoup quand on voit les films. Donc, oui, Melville, je crois qu'il avait déjà touché un peu au bleu. Et enfin, il y a plein de motifs qui reviennent entre Melville et Michael Mann. Notamment les scènes de casse, de choses comme ça. Le cercle rouge, ça fait penser au solitaire. Quoi. Ok. J'avoue que. L'inverse. Melville, c'est quand même un des gros trous dans ma filmographie, mais bon. Un coffret ressortira, je m'y mettrai, promis. Et puis un des autres aspects quand même saillants de ce film, alors est-ce qu'on spoil ou pas, mais il arrive quelque chose à Tom Cruise dans ce film qui lui arrive quand même dans très peu de films. Bah, on n'a pas besoin de préciser, comme ça, si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, c'est assez surprenant. Puis de base, de toute façon, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, parce que Tom Cruise, c'était probablement son premier seul rôle de méchant aussi, hein, tout simplement. C'était, déjà ça, c'était voir Tom Cruise en dehors de son style habituel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça reste assez rare, au final. Mais par contre, toujours tout en maîtrise, quoi. Enfin, plutôt. Ouais. Ah bah, professionnel, là, homme d'action. Plus que jamais, même. Plus que jamais. Mais oui, si jamais vous voulez voir quelque chose d'inédit, ou presque, dans la filmographie de Tom Cruise, regardez Collateral jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, bah, on a quelques... Enfin, moi, je l'avais vu à l'époque de sa sortie. Je ne sais pas si je l'ai vu au cinéma. Honnêtement, je n'arrive pas à me souvenir. Mais en tout cas, en le revoyant au fil des années... Et si vous le voyez maintenant, vous allez vous rendre compte, ou revoyez maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques têtes un peu connues dans le film. Ça fait toujours plaisir. On se dit que bon, Michael Mann, c'est aussi quelqu'un qui est plutôt doué pour le casting. Hein. Il a toujours des bons castings. Enfin bon, Voilà, il y a pas mal de grands acteurs qui sont passés chez lui. Et là, dans le film, en l'occurrence, il y a... Alors, là, c'est anecdotique, mais il y a une petite apparition de Jason Statham au tout début du film. Bah ça, oui, c'est quand drôle, même. Avant qu'il soit connu. Donc c'est... Mais par contre, on le reconnaît. Il a la même tête qu'il a toujours eu et qu'il a toujours. Alors, il a un petit peu vieilli, mais peut-être un peu grossi. Enfin, plus musclé, pas grossi. Oui, mais il est, oui. Plus, il est plus baraque oui, maintenant qu'il l'était à l'époque. Et puis sinon, vous avez... alors moi, je me souvenais qu'il y avait Statham. Je me souvenais qu'il y avait Javier Bardem. Mais par contre, je me souvenais pas qu'il y avait Mark Ruffalo, parce que la dernière fois que je l'ai vu, je devais pas le connaître encore. Non. Il a pourtant un rôle, ouais. Un sacré rôle. Un rôle important, ouais, plutôt. Un rôle important, ouais. Ouais. Donc voilà, beau casting, beau film. Et puis voilà, on a parlé de motifs, de tout ça et tout, mais c'est, avant tout, c'est un film prenant, un thriller, polar, enfin, je sais même pas comment le classer, mais c'est... Ouais. C'est vraiment un film. Je connais personne qui n'a pas aimé Collateral. Ah bah non, mais ça c'est sûr. C'est un film dans lequel on passe un très très bon moment. Et sur cette donc réédition Blu-ray 4K ultra haute définition, vous pourrez également trouver en bonus un commentaire audio de Michael Mann, un making of et également deux petits documentaires sur le tournage des scènes d'extérieur et sur les effets spéciaux. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin. Je peux juste dire que j'ai déjà écouté des commentaires audio de Michael Mann. Ce sont les commentaires les plus drôles que j'ai vus parce que... Pourquoi drôle ? Drôle dans le sens où, en fait, Michael Mann ne parle absolument pas de ce qu'on a pu parler là, par exemple. Il parle pas de la lumière, il parle pas de ce qu'il a voulu faire là ou ici. Il parle que de détails techniques, de détails de scénarios, c'est-à-dire que, par exemple, dans Miami Vice, au début, il y a un indique qui se fait éclater sur l'autoroute. Bah, il se suicide sur l'autoroute, ouais. Mais c'est parce qu'il a été grillé et tout, et ils ont buté sa femme, je crois. Enfin, c'est au tout début, il y a pas de spoil. Mais du coup, Michael Mann, là, il vous raconte quoi au commentaire audio? Il vous explique que aux États-Unis, quand il y a des indices, s'ils arrivent à mettre les flics sur un deal, un gros deal de par exemple $1 million, la police, enfin le gouvernement lui reverse 10% de la somme. De l'échange, donc 100 000 dollars, quoi. Mais okay. Voilà, Michael Mann parle que de trucs comme ça. C'est vraiment un mec qui est passionné par tous les détails. Il veut que tout soit le plus réaliste possible. D'où ce que... Enfin, c'est vraiment le côté documentariste, quoi, clairement. Ouais, alors qu'en même temps, quand on regarde le scénario en lui-même de Collateral, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est drôle. Ouais. C'est ça qui est drôle. Donc voilà pour Collateral donc de Michael Mann. Et ensuite, quittons cette belle ville de Los Angeles pour aller dans cette autre belle ville, cette belle ville de Venise. Avec ce film donc de Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas, et en version originale... Don't Look Now. Don't Look Now, avec Donald Sutherland et Julie Christie. Alors, mais qui sont ces gens, Jean ? Donc, Nicolas Roeg, c'est un cinéaste britannique qui a commencé en étant chef opérateur. Une dizaine de films, je crois, peut-être même un peu plus, quinzaine, dont, entre autres, Le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman. D'accord. Et Fahrenheit 451 d'un certain François Truffaut, donc voilà, quelqu'un qui a un parcours assez atypique, qui a bossé un peu partout et qui s'est mis à la réalisation ensuite avec, je crois, son premier film, c'était Performance, qu'il avait co-réalisé avec Donald Cammell, dans lequel il y avait Mick Jagger. Il a fait Walkabout, qui était un film tourné en Australie. Enfin, voilà, il bouge un peu partout. L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, assez mémorable, si vous l'avez vu, ou ne serait-ce que l'affiche de David Bowie et ses cheveux orangés, roux, écarlates, je ne sais pas comment décrire ça. Et il avait aussi signé Nicolas Roeg, un film que je n'ai pas vu encore, mais dont on m'a dit beaucoup de bien, qui s'appelle Les Sorcières, qui est... la première adaptation du roman de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, qui a été remakée par Robert Zemeckis il y a un an. C'est lui qui a fait le premier... Avec Cher, je crois, ou je ne sais plus. Ouais, il me semble quelque chose comme ça. D'accord. Et Donald Sutherland, moi, je peux dire qui c'est. Donald Sutherland, c'est celui qui joue le président méchant dans Hunger Games. Ah ouais, c'est lui. Ah, Donald Sutherland, c'est un mec, voilà, c'est moi j'aime énormément cet acteur. Il a joué dans, je crois, une bonne 200 films, un truc, quelque chose comme ça, ouais, qui pourrait le faire ressembler à un certain Gérard Depardieu, et oui, avec qui il a joué dans 1900. Avec Robert De Niro également. Eh oui, de Bertolucci. C'est un sacré casting. Ouais. Mais voilà, Sutherland, tellement de films. L'invasion des profanateurs, le remake des années 70. Tellement de films. Je sais même pas énormément, quoi préciser, énormément, quoi dire comme titre. Mais voilà, c'est aussi le père de Kiefer Sutherland, qui était une sorte de Tom Cruise de la télévision dans 24 heures chrono. Si on Jack Bauer, ça. Oui. Jack Bauer. Jack Bauer. Ah, ils ont vraiment deux têtes très différentes au final. On peut voir la ressemblance, mais ils sont pas faits pour les mêmes rôles. C'est vrai qu'ils dégagent pas du tout la même chose. Quand on pense à Kiefer, qui avait fait ce film de vampire de Joel Schumacher, je ne sais plus comment il s'appelait, mais oula, mais vraiment absolument pas la même tête. C'est vrai que Sutherland, il a avec sa coiffure là, des années 70, cheveux bouclés, visage un peu particulier. Ses grandes dents. Et sa moustache, ouais, il est assez atypique comme acteur, mais vraiment génial, quoi. Ouais. Et puis Julie Christie, j'avoue ne vaguement connaître. Il me semble qu'elle jouait dans Le Docteur Jivago de David Lean, et moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Shampoo, un film de Al Ashby avec Warren Beatty. Ok. Et donc, Ne vous retournez pas, ça raconte quoi? Ça raconte le déménagement d'un jeune couple qui, après la mort de leur fille cadette, décide de s'installer à Venise. Donc, monsieur est architecte et madame fait son deuil. Et donc, Ne vous retournez pas, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un jeune couple, donc Donald Sutherland et Julie Christie, qui, après la mort de leur fille cadette, décident de quitter l'Angleterre pour s'installer à Venise. Venise, la ville aux mille ponts, ou je ne sais plus combien on dit. Venise, ville fantomatique s'il en est dans ce film, car ville dans laquelle semblera les poursuivre. Est-ce que cela se vérifiera ou pas, l'esprit de leur petite fille défunte. Et donc, ouais, ce film, bah, il est très intéressant par plein d'aspects. Je ne sais pas si toi, Jean, tu as déjà eu la chance d'aller à Venise ou pas. Ouais, plusieurs fois même. Voilà, et ben, c'est moi, j'ai trouvé que c'était un film qui montrait Venise d'une bien belle manière. C'est-à-dire que c'est pas du tout un film carte postale, c'est vraiment un film qui saisit l'atmosphère de Venise, et notamment de Venise la nuit. Déjà, une des choses qui est très marquante, c'est ce qu'on entend dans le film, c'est-à-dire le silence. Le silence de Venise la nuit, ça pour moi, ça, c'est une chose qui est très très bien rendue. Et pour moi, c'est la chose la plus marquante quand on se retrouve à Venise et qu'on y dort pour la première fois. C'est ce calme, le fait de n'entendre aucun bruit parce qu'il n'y a aucun moteur, parce qu'il n'y a aucune voiture. Donc en fait, la nuit à Venise, c'est le silence. Ouais, je peux confirmer ce que j'ai eu le malheur ou la chance de devoir dormir dans la rue sur un banc à Venise. Donc en effet, c'est très silencieux, très calme et a priori, pas trop de soucis de sécurité. Enfin, de mon expérience, mais puisque tu es toujours là. J'ai vu plus de flics que de gens, donc j'ai l'impression que oui, bah, en général, quand on est touriste, on se balade rarement la nuit à Venise, en fait. Ah oui, les rues sont vides. L'hôtel. Mais de toute façon, en fait, Venise, alors c'est ça que je trouve le film montre bien, c'est que le film s'aventure assez rarement sur les grandes artères de Venise, mais beaucoup dans les petites rues annexes. Là où ça devient vraiment labyrinthique et où on peut se perdre et où tout se ressemble et c'est des canaux et c'est des ponts et des passages et des canaux et des ponts et des passages. Et à un moment donné, il y a Donald, j'allais dire Kiefer, il y a Donald Sutherland qui a cette phrase quand il est avec une sorte de commissaire de police très très étrange comme ça, qui va voir à propos de sa femme. Il lui dit qu'il a essayé de retrouver un endroit où il est allé un peu plus tôt dans le film. Il lui dit, mais it was just around the corner. C'était juste au coin de la rue. Mais il n'a pas réussi à retrouver le coin de cette rue. Parce que, voilà, ce film montre bien ce que Venise, avec cette géographie labyrinthique, bah, peut avoir d'insaisissable. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que Venise. on voit pas si souvent au cinéma. J'ai pas non plus beaucoup de souvenirs de Venise, mais en général, ça va plus être axé sur des comédies romantiques ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le Venise touristique. On est sur la place avec les pigeons, etc. Les ponts, le pont des soupirs, je sais plus si c'est ça, Venise. C'est ça, le pont des soupirs. Ouais, ou alors un bout de film d'action. Oui, c'est vrai. On imagine bien Tom Cruise. Probablement l'a-t-il déjà fait. Je crois qu'à Venise, il y avait eu ce film qui était un remake qui avait été réalisé par l'Allemand qui avait fait Le Nom des Autres, qui était un remake d'un film français, je crois, avec Angelina Jolie et Johnny Depp. The Tourist. The Tourist, oui. Je crois que c'était à Venise. Voilà. Mais c'est rare de voir un film comme ça qui est plus de l'ordre déjà du thriller, voire du film d'horreur, limite, des fois. Horreur psychologique, c'est rare de voir Venise, un réalisateur vraiment utiliser la forme qu'a cette ville à l'image, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a des. Parce qu'il y a aussi des histoires de croisement, c'est une ville, Venise, où on peut croiser des gens, apercevoir des gens de l'autre côté de l'eau, mais sans pouvoir. Ils sont à la fois proches, mais à la fois, on ne sait même pas comment les rejoindre. Et oui, c'est ça, oui. Et il joue beaucoup là-dessus. Ah ouais. Quand on peut croiser des gens sur un autre bateau, sur un canal, ou de l'autre côté d'un canal, mais sans qu'il y ait un pont. Et il joue beaucoup de ces circulations possibles ou pas. C'est-à-dire que dans un film classique, ça serait le fameux plan, vous êtes d'un côté du trottoir, l'autre de l'autre, il y a un bus qui passe, la personne disparaît, là, il n'y a même pas besoin. Vous allez juste essayer de courir pour rejoindre l'endroit où vous l'avez vu et la personne n'est plus là. Il n'y a pas besoin de fantastique pour faire, de côté fantastique de la personne qui disparaît derrière un bus. Et c'est vrai que Venise offre beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes cinématographiques. Et Nicolas Rogue exploite ça vraiment à son maximum. Et c'est drôle que tu aies dit qu'il était chef opérateur avant de d'être réalisateur, parce que je trouve que c'est aussi un film. On dirait un monteur, c'est ça que tu veux dire? Ah bah alors. C'est l'impression que j'ai à chaque fois. Franchement, oui. Surtout quand on voit la première séquence, mais pas que. Mais cette première séquence en montage alterné entre la préparation de la mort et la mort de cette petite fille et les parents qui sont à ce moment-là dans le salon, et notamment le père qui est en train de travailler sur ses photos d'église vénitienne sur lesquelles il voit déjà cette tache rouge qui va le hanter. C'est vrai que c'est aussi un très très grand monteur. Mais de toute façon, ce Venise filmique et labyrinthique, enfin, tout ça, ça se construit au cadre, mais ça se construit surtout au montage, en fait. Donc c'est là qu'il est très fort, effectivement. Mais pour monter comme ça, il faut avoir filmé les plans. Donc je pense qu'il sait très bien ce qu'il veut faire. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, après, j'ai quand même lu qu'il y a une scène en particulier en montage parallèle où, a priori, c'était pour éviter des problèmes de censure. Mais de toute façon, dans tous ces films, il y a ce côté montage très rapide et alterné. Très étonnant, qu'on voit assez rarement, en fait. Hein. Bah, par exemple, la scène dont je parle, là, c'est une scène de sexe entre les deux personnages principaux, oui. Qui est alternée avec des scènes où ils se rhabillent après, enfin, ils se préparent, etc., après l'acte. C'est assez étonnant. Vraiment, visuellement, c'est quelqu'un... Enfin, pour moi, Nicolas Roeg, c'est quelqu'un, clairement, qui parle avec le cinéma, quoi. On n'est pas dans... Le but, c'est pas les dialogues, etc. C'est de l'image avant tout, du son... C'est vraiment quelqu'un qui s'est amusé avec tout ce qui était possible de faire dans le montage, dans l'image. Et puis c'est clairement un chef-op, hein, parce que c'est très beau visuellement. La scène du début est quand même très marquante. Les et couleurs, puis, plans, les cadrages, enfin, c'est les ralentis. Ouais. Il y a des ralentis aussi, enfin, il y a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup d'effets, mais sans que ce soit lourd. Et puis, cette gestion de la couleur, cette récurrence du rouge, l'endroit où il le place... cette tache qui se balade dans Venise, toute grise. Enfin, c'est visuellement, c'est vraiment. Il raconte beaucoup de choses, oui. Ouais, ouais. Et c'est drôle que tu parles de cette scène, parce que moi, cette scène entre Julie Christie et Donald Sutherland, où ils font l'amour et où on les voit dans leur intimité, dans leur chambre, mais pas en train de faire l'amour, mais juste en train de faire leur vie. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu au cinéma. Un couple dans l'intimité filmé de manière aussi juste Moi, je trouve vraiment que cette séquence réussit quelque chose que beaucoup de films échouent très souvent, à savoir filmer l'amour physique, mais aussi tout simplement filmer le temps que passent ensemble deux personnes qui partagent une chambre. J'ai été assez surpris parce que généralement, déjà, ce genre de séquence ne dure pas aussi longtemps. Et là, on a l'impression que ça dure et ça va loin. Elle est très longue. Voilà. C'est assez frappant de véracité, je trouve. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très réussi dans la manière qu'il a de montrer ça, précisément. Ce qui n'est qu'un moment du film. Ouais. Mais c'est sûr. Mais bienvenue dans les années 70. C'est l'époque où y a beaucoup de grands films et on prenait son temps et on n'hésitait pas à faire des scènes comme ça, une scène de sexe longue et tout. Et au final, ça paraît tellement plus réel que, on sent qu'il y a quelque chose entre ces deux acteurs. C'est un vrai couple et c'est pas juste une énième scène de sexe dans un film américain où ça dure. Soit c'est un fondu, soit ça dure deux minutes et après c'est le lendemain. Et, là, il y a de l'étreinte, il y a de la bave, il y a de la sueur, il y a tout, quoi. C'est important dans la vie, donc ça devrait l'être aussi au cinéma, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est très, très bien dit. C'est très, très, très bien dit. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur Ne vous retournez pas. C'est un film. Moi, c'est la troisième fois que je le voyais. Je pense que je l'oublie. J'oublie à chaque fois tout ce qui se passe à Venise. On retient souvent la scène d'intro, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est aussi le propre des grands films. Hein, c'est que ça vous marque et en même temps, vous vous souvenez de la moitié des trucs et à chaque fois que vous le revoyez, vous le redécouvrez, quoi, en fait. C'est la force des films. Moi, j'ai l'impression que quand je vois un film qui m'a l'air génial et que, en fait, je me rends compte que je le connais par cœur, limite, alors que je l'ai vu qu'une fois, c'est qu'il manque un truc. Le cinéma est un rêve et les rêves sont faits pour être à moitié oubliés. Voilà. C'est très bien dit aussi. Si, quand même, je pense à quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire qui sort ce DVD, qui réédite ce DVD. Est-ce qu'on a l'info quelque part? Est-ce qu'on sait également ce qu'il propose comme bonus? Alors qui ressort ce DVD? Est-ce que c'est du Blu-ray? Est-ce que c'est du 4K? Est-ce que c'est pas du 4K? Je vois que Jean tapote comme un malade. Bon, alors c'est chez Potemkin. Ah, c'est Potemkin, d'accord, ouais. qui ressort ça. Donc, et Potemkin, on vous l'a déjà dit, hein, c'est un éditeur vidéo, mais pas que. C'est aussi de la librairie, c'est aussi de la vente. Ils font de la vente pour d'autres éditeurs, en ligne et en physique. Potemkin, c'est plein de choses. Et donc. C'est donc un combo Blu-ray et DVD. Ah. C'est sorti le 15 juin 2021. Et sur ce Blu-ray, vous pourrez trouver en bonus des entretiens, dont un avec le seul et l'unique Jean-Baptiste Thoré. Entretien de 30 minutes, quand même. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un qui, ça m'étonne pas du tout, mais à découvrir. Un entretien avec Donald Sutherland. D'accord. Qui était de passage à Lyon, au Festival Lumière, il y a l'année dernière, je crois. Donc peut-être à ce moment-là qu'il a fait l'interview. Mm-hmm. Et il y a un entretien avec le directeur photo Anthony Richmond et avec le scénariste et producteur Alan Scott. Et vous avez même, assez étonnant, mais deux petits bonus de 15 minutes. Un, le film vu par Danny Boyle. Et deux, le film vu par Justine Triet. D'accord. Eh bien, pourquoi pas? Original, moi j'aime bien. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai qu'on entend rarement, surtout dans des bonus DVD, un réalisateur parler du film d'un autre. Ben oui. Bon, eh ben, on ira voir tout ça. On ira voir tout ça. Voilà pour notre petit tour du monde cinéphile, Venise, Los Angeles, Venise. Et Jean, je te propose peut-être de faire une petite pause, de reposer un petit peu les oreilles de nos auditeurs en les emmenant, dans une boîte de nuit. Dans celle du film dont on a parlé juste avant, Ne vous retournez pas, dans celle de Collateral, avec un petit morceau de Paul Oakenfold. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Eh bien, allons-y alors. Ready, steady, go. Boîte de nuit, debout. Ah. Bien, voilà un son qui nous lance d'une manière très énergique sur nos mentions de ce mois-ci. Alors, donc parmi ces mentions, par quoi va-t-on commencer ? Moi déjà, je voulais parler en fait d'un partenariat qui, je ne sais pas s'il est officiel ou non, entre Netflix et ce grand éditeur DVD qui est Criterion, voilà, un éditeur américain. Alors malheureusement, pour vous procurer leur DVD et leur Blu-ray, il faudra passer par exemple par Potemkin en ligne pour les commander en import, voilà, si ce sont des films qui ne sont pas édités par un éditeur français. En tout cas, Potemkin vend des DVD et des Blu-ray Criterion. Et Criterion, en fait, à une sorte de partenariat, ou en tout cas sort régulièrement sous presse, des films Netflix. Et alors là, notamment cette année est sorti, si je ne m'abuse, je pense que c'était cette année, en tout cas c'est là qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, qu'il était disponible. Oui, c'était cette année. Ouais, voilà, c'est ça. Et il est disponible depuis pas très longtemps du tout chez Potemkin en import. Le Blu-ray de The Irishman de Martin Scorsese. Donc, comme d'habitude, hein, la galette, c'est l'occasion d'avoir des bonus en plus qu'on n'a pas forcément sur Netflix. Et puis aussi, on le dit peut-être assez rarement, mais quand un film est disponible à la fois sur Netflix et à la fois en galette, sachez quand même que la qualité sur la galette sera bien meilleure, hein, parce que certes, il y a des histoires de définition, hein, on peut l'avoir en 4K sur Netflix, mais le même film en 4K sur Blu-ray, il sera beaucoup moins compressé, donc la qualité sera bien meilleure. Donc voilà, sachez-le, certains films Netflix donc sont disponibles en dur pour ceux qui aiment avoir des objets entre les mains, pour ceux qui se disent qu'un jour, s'ils se désabonnent de Netflix, ils aimeraient quand même pouvoir revoir par exemple The Irishman ou Marriage Story ou Roma, enfin bref, tous ces films de prestige que Netflix produit pour gagner des Oscars, c'est possible de les avoir dans sa DVD Tech. Voilà. Il y a beaucoup de bonus sur Criterion. Ouais, il y a beaucoup de bonus qualité, sur Criterion, de grosse qualité, comme dit Jean. donc voilà. Et je vais laisser la parole à Jean pour nous parler d'un film qui pourrait faire plaisir aux enfants. Tiens. Ah, ouais, c'est vrai. Moi-même, je l'ai vu enfant. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'est un... pour moi, un petit classique qui s'appelle Small Soldiers, Voilà, ce film de Joe Dante, réalisé, enfin sorti en 98. Voilà, pour le faire simple, c'est des petits jouets qui c'est des petits soldats. Des petits soldats et des petits monstres. Hein, et c'est des petits monstres. Ouais. Voilà, c'est deux mecs qui, malgré eux, se retrouvent à mettre une puce militaire dans ces jouets qu'ils viennent de créer et de lancer sur le marché. Sauf que, bah, forcément, la puce militaire est peut-être un petit peu trop puissante et elle leur permet déjà de vraiment prendre vie, de parler et d'apprendre de tout ce qu'ils font, quoi, de tout ce qui se passe. Sachant que, bah, ça, un jouet, ça se casse, ça se répare, c'est pas comme un humain. Une fois qu'il a perdu ses jambes, par exemple, le militaire, on peut lui re-scotcher, quoi, c'est assez drôle. Mais du coup, voilà, c'est à côté de ça, c'est un gamin qui se retrouve avec ces jouets-là et qui se retrouve au milieu d'une guerre, en fait, hein, qui est la base de ces jouets. C'est les militaires qui se battent contre des monstres. Ouais. Et les méchants ne sont pas ceux que l'on croit. Oui, voilà. Belle histoire de tolérance. Comme toujours chez Joe Dante, c'est Joe Dante qui avait fait les Gremlins, par exemple, si vous connaissez pas son nom. Donc voilà, toujours chez Joe Dante, toujours très politique, toujours des doubles sens, enfin des doubles lectures et des triples lectures. C'est-à-dire que moi, évidemment, quand je l'ai vu gamin, j'ai absolument pas réfléchi à tout ça, mais en le revoyant, voilà, c'est évident, tout est évident. Les militaires, le côté corporate, etc. Le complexe militaro-industriel, oui. Et puis évidemment, les ceux qui sont censés être les monstres sont en fait juste des mecs ultra gentils qui, eux, n'ont pas le droit de se battre en plus, ils doivent juste se cacher. Ouais. Et en fait, comme chez Michael Mann, eux, ils rêvent de rentrer, ils rêvent d'un, grâce à une image, ils n'ont qu'une image de leur terre de naissance et ils cherchent à rejoindre cet Éden, enfin là d'où ils viennent, quoi, en fait, c'est tout. Ils veulent juste rentrer chez eux. Il y a une très belle séquence aussi où ils apprennent le monde via un ordinateur. Il y a Encarta sur l'ordinateur et ils font passer tous les articles. Et en fait, ils se rendent compte que le monde est hyper effrayant parce qu'ils voient Nagasaki, ils voient. Et ça les choque et ça les terrifie. Et ça, c'est. Joe Dante, c'est vraiment quelqu'un qui comprend plein de choses de l'enfance parce que c'est vrai qu'il y a un âge de la vie où on ignore ce qu'est le monde. Et un âge de la vie où on apprend ce qu'est le monde et on se rend compte que le monde, en fait, c'est un truc hyper effrayant. Ouais, non, mais c'est tellement ça. Et juste après cette scène, il y a une scène aussi, ça se passe au même endroit, qui est super belle. C'est après qu'ils aient vu ça sur l'ordinateur, qu'ils aient vu une image qui ressemblait à leur terre natale. Ils sont tous posés avec le gamin dans sa chambre devant la fenêtre. Et ils font et le gamin leur explique qu'il y a quelque chose après la fenêtre, quoi, enfin que c'est pas c'est super beau la métaphore avec la the window et genre en fait les monstres lui demandent qu'est-ce qu'il y a après la fenêtre et le gamin répond là il y a la route et après qu'est-ce qu'il y a, il y a le parc, qu'est-ce qu'il y a, il y a la ligne de train et après qu'est-ce et qu'il y a, c'est un enfant et même l'enfant lui pour le coup il arrive à sa limite, c'est-à-dire qu'il sait pas ce qu'il y a après et quand il peut plus répondre parce que lui il a pas beaucoup bougé de sa ville, et ben les monstres disent Gorgon, c'est-à-dire le nom de leur terre natale, comme il a pas de réponse ils savent que c'est là où ils veulent aller, quoi. Et c'est beau quand j'y pense parce que quand j'ai vu cette séquence l'été dernier, je m'étais pas rendu compte de ça, mais en fait c'est un enfant qui se retrouve dans la position d'un adulte expliquant à un enfant les réponses à ces questions, quoi. Enfin, c'est ces enfants qui demandent toujours pourquoi, et là c'est un enfant qui doit répondre à ça, et c'est assez beau. Et dans ce film, je crois qu'il y a une actrice aussi dont on a presque parlé par ricochet la fois dernière, enfin une des fois dernières, non? Elle est toute jeune, elle est toute blonde, elle est toute mignonne. Elle s'appelle Kirsten Dunst. C'était un an avant qu'elle fasse Virgin Suicide, justement. C'est fou. Hein. Donc, entre Jumanji et Virgin Suicide, elle est assez géniale. Elle est à fond dans le rôle, hein, franchement. Ouais, ouais. Et il y a ces poupées. Les militaires, à un moment, mettent des puces sur les poupées de Kirsten Dunst. Donc, les poupées deviennent complètement tarées. Ah bah, on parlait de Barbie. Sur Kirsten Dunst. On parlait de Barbie il y a 15 jours. Voilà. C'est Barbie en folie, cet épisode. Ouais. Mais voilà, il y a Kirsten Dunst et puis voilà, quelques acteurs plus ou moins connus. Et puis, mais surtout sur les voix, en le revoyant, là, par contre, ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'avais sûrement même vu en français à l'époque. Il y a Tommy Lee Jones qui fait la voix du militaire numéro 1, du chef, du sergent, je sais pas, du major. Et je crois que c'est des acteurs, des vieux acteurs, des 12 salopards, genre Ernest Borgnine, etc., qui font les voix des autres militaires. Il y a des mecs, pour les monstres, c'est les mecs du film Spinal Tap de Rob Reiner qui font les voix. Et pour les poupées Barbie, c'est Sarah Michelle Gellar et une autre actrice qui s'occupe des voix. C'est assez drôle. D'accord. Donc voilà, vraiment, non mais c'est ça qu'elle c'est fait un dans pur le plaisir film. Comme film à voir, à revoir. C'est tellement années 90, c'est 98 du coup. C'est vraiment un pur plaisir et très très intelligent. Voilà. Pour les enfants de peut-être plus de 12 ans, possiblement, mais je suis même pas sûr. À vérifier, 10 ans, je pense. Mais ouais, regardez. Mais oui, mais oui. Et ben, je te propose de rester dans cette belle époque de notre enfance. Non pas qu'on soit nostalgique, mais voilà, il y avait des belles choses. En parlant peut-être de JCVD, Jean-Claude Van Damme, non? Allez, JCVD, JCVD, quand même. C'est un ouais, belge, c'est les vrai. Disques des Bruxelles. JCVD, pardon. Avec donc. Alors, Small Soldiers, c'est chez qui? Ah, c'est chez ESC Édition. ESC Édition. On leur fait un coucou. Et du coup, JCVD, c'est chez ESC Édition. Ah, bah voilà! Avec Mort Subite de donc, Peter. Double coucou. Iams. Iams, pardon. C'est comme Iams avec un S. Iams. D'accord. Iams. C'est le frère de NTMs. Ah, d'accord. Et donc, c'est alors, tiens, parle-nous de Mort Subite de Peter Iams. Puisque tu me corriges, Saligo. Mort Subite, Sudden Death en anglais, qui est un film de 1995. Avec Jean-Claude Van Damme, un film très aware de son temps. un film que j'ai vu très récemment, que j'avais toujours pas vu. Voilà, j'ai un petit, souvent des envies de Jean-Claude Van Damme le dimanche, ou de Stallone, ou de Schwarzenegger, mais époque 80-90. Quoi. Et grosse surprise, vraiment. Genre, je m'attendais à un petit film sympathique, plus ou moins sympathique. C'est quoi déjà l'histoire de Mort Subite hein? Alors, Mort Subite, c'est un... Alors, c'est pas celui avec son double, là, Full Contact, ou je sais pas non, quoi. Non, c'est... Double Impact. Double Impact, je crois ça. Oui. Non, je sais plus le départ du film, mais en tout cas, c'est... Van Damme qui a ses enfants qui assistent à un match de hockey sur glace dans une arène, quoi, dans un stade. Et parmi lesquels, évidemment, il y a le vice-président des États-Unis. Oui, bah oui. c'est tellement plus pratique. C'était lui ou sa fille, donc. Mais là, c'est ça, ça aurait été pour Snake Plissken, je pense. Mais du coup, ouais, il se retrouve là. Mais alors, j'ai un gros doute s'il est pompier ou quelque chose comme ça, mais je sais même plus s'il bosse sur les lieux. Je crois qu'il est au niveau de la sécurité, mais d'un coup, j'ai un doute. Okay. Mais c'est pas forcément très on important pour vous donner envie de voir le film. Mais en tout cas, bah voilà, il y a des méchants qui se trouvent dans ce stade et qui préparent un gros coup, quoi. Et donc, Van Damme, enfin, c'est même pas Van Damme, ces méchants ont le malheur, vraiment, pas de chance. De prendre un des gamins un peu en otage de Van Damme. Oula, donc, mauvaise idée. Mais c'est marrant, comme j'ai un doute maintenant sur tout ce que je raconte, là, je sais même mais plus c'est si pas c'est grave. Exactitude ça ou si c'est pas tout ça. Grave. Mais bref, voilà, c'est un film d'action qui en fait clairement rappelle fortement un autre film où un mec se retrouve là où il faut pas et il y a des méchants et il faut qu'il s'en occupe. Alors laisse-moi deviner, est-ce que le mec en question est chauve? Enfin pas complètement à l'époque, mais ouais plutôt. Ouais. Est-ce qu'il s'appelle Bruce? Il y a pas besoin de se retrousser les manches parce qu'il a un Marcel et ouais, il s'appelle Bruce. Ouais. C'est ça. C'est Terminator. Oui, tout à fait. Tout à fait. Terminator de cristal. Terminator de cristal avec ouais, Bruce Schwarzenegger. Ouais, non, mais c'est vraiment. Oui, c'est la grande mode comme piège en haute mer de ces reprises de Die Hard. Mais ouais, mais du coup, reprise de Die Hard, mais j'avoue, j'y ai même pas pensé avant un certain moment du film quand même. Mais en fait, c'est juste que le film est méga efficace. C'est un pur film d'action, hyper bien foutu, très bien réalisé, même limite beau visuellement, quoi. Enfin, je trouve les plans, j'aime bien ces couleurs-là des années 90 en pellicule, ça rend super bien. Et il a fait d'autres choses. À aucun moment, ce film est ridicule, en fait. Il est très sérieux. Et c'est ça aussi qui fait que c'est bien, c'est qu'il est très sérieux. C'est-à-dire que je me souviens jamais dans Die Hard s'il y a une pointe d'humour dans l'attitude de Bruce Willis. Dans le premier, mais je crois pas. Il dit juste ripicaillé, mais c'est sérieux, quoi. Je crois que c'est sérieux aussi. Mais en tout cas, ouais, ce film-là, Sudden Death, Mort Subite, est très sérieux aussi. C'est pas du tout le Jean-Claude Van Damme où c'est un mix d'action, d'humour, un peu des dialogues bien, enfin des punchlines, etc. Rien à voir. Non, vraiment, c'est grosse surprise. J'ai pas vu le temps passer et je me disais, mais c'est impressionnant l'efficacité et la qualité du film, quoi, vraiment. Ok. Très bon Van Damme. Très bien. Van Damme, ouais, première. Un Van Damme primeur. Primeur. C'est très cool. Moi aussi, j'ai un film que j'ai trouvé cool, enfin très agréable à regarder. Et je sais pas pourquoi, pourtant, enfin, j'ai l'impression que j'en mate des films d'action, enfin en tout cas à une époque j'en ai maté pas mal, mais je sais pas pourquoi celui-là, quand j'ai vu qu'il était ressorti, je me suis dit que le jour où quelqu'un voulait regarder un film d'action où on se prend pas la tête récent, c'était plutôt parfait. C'est Source Code de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal. Alors pareil, je crois que j'aurais beaucoup de mal à le repitcher, mais en gros Jake Gyllenhaal est mort, enfin, ou en tout cas en passe de mourir, et on l'a branché à une machine qui lui fait revivre ses 5 dernières minutes, et il faut qu'il comprenne, je sais pas, où est une bombe ou quoi dans un train. Et donc il revit ce truc. Voilà, je l'ai pas revu là, j'ai juste vu qu'il était ressorti, je ne sais pas chez qui d'ailleurs. Peut-être que Jean pourra me dire quand j'aurai terminé mon speech. Mais en tout cas, j'ai souvenir d'un truc hyper efficace, d'un Jake Gyllenhaal, comme d'habitude, hyper intéressant. Et un bon film d'action de base, mine de rien, c'est assez rare, quoi. Surtout dans cette config où c'est très modeste, quoi. C'est un huis clos, c'est... Ça se passe comme ça. Et puis, il y avait ce petit côté science-fiction quand même. On peut brancher quelqu'un à une machine, lui faire revivre des trucs qui étaient pas mal. Enfin bref, moi, j'ai bien aimé ce truc. Et du coup, ça ressort chez... Chez SND Film. Chez SND, c'est M6 Group. Voilà, c'est ça. Donc, petit film d'action sympa. Puis ça tombe, c'est le genre de truc. C'est même pas sur Netflix ni rien. Donc, Ça, aucune idée. Mais surtout, tout à l'heure, je l'ai évoqué. Tu sais qui est le père du réalisateur? Non, Nicolas Roeg. David Bowie. David. Ah, c'est le fils de Bowie. Duncan Jones, c'est le fils de David Bowie. D'accord. Eh bien, il a hérité d'un peu du talent de son père. Également, La Part des Ténèbres de George Romero, adapté de Stephen King, qui ressort, je ne sais pas, en fait, Jean me dira quand j'aurai terminé mon speech. Alors que, bon, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais puisqu'on a parlé de King et que peut-être il y a des aficionados qui nous écoutent, on a parlé de King dans Stream Breakers il y a 15 jours. Et là, donc, il y a La Part des Ténèbres qui ressort. Donc, je ne l'ai pas vu, mais c'est vraiment un des livres de King, moi, que j'ai poncé. Où, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain, comme souvent chez King, il y a un peu de métafiction. C'est l'histoire d'un écrivain qui décide d'assassiner son pseudonyme. Voilà, parce qu'il écrit sous pseudonyme et il en a marre d'écrire ce qu'il écrit, donc il tue son pseudonyme. Le livre commence sur une grande fête durant laquelle on enterre, en fait, cet écrivain fictif. Sauf que problème, quelqu'un, quelque chose va revenir à la vie et poursuivre cet homme qui a tenté de tuer ce pseudonyme. Et moi, c'était un livre que j'adorais. Et je vois qu'il est ressorti en DVD ou en Blu-ray. Et je me dis que c'est vraiment l'occasion pour moi de le voir. Et pour tous les aficionados de King qui ne l'auraient pas vu, de le voir et de nous dire ce qu'ils en ont pensé. Si vous aimez les oiseaux, je vous promets beaucoup d'oiseaux, d'envolées d'oiseaux dans ce film. Bah oui, parce que des corbeaux. Parce que c'est le grand truc dans ce bouquin, c'est les corbeaux qui sont les psychopompes, les passeurs entre notre monde et l'au-delà. Mais alors c'est marrant parce que sur la dernière émission, j'avais en tête de te parler d'un truc et j'ai pas pris le temps de le faire. C'est toi qui connais bien Stephen King. Je me disais, quand on parlait de Lisée Story, ouais. Histoire de Lisée, je me disais, c'est hyper récurrent dans ma mémoire que Stephen King parle, enfin mette en scène un écrivain oui. comme lui, qui oui. souvent écrit de l'horreur ou oui. des choses similaires. Oui. Et là, oui. Encore une fois, bah dans Lisée Story, c'est le mari qui écrivait des bouquins. Là, c'est... Tout, c'est... Bah, je ne sais pas si tu as remarqué, Beaumont mais... qui écrit des bouquins. Je ne sais pas si tu as remarqué et je ne sais pas jusqu'où va aller la série là-dedans. Mais dans Lizzie Story, dans le générique, on voit à un moment donné un livre s'envoler, ou en tout cas plusieurs livres, et sur la jaquette du livre, ça n'est pas marqué le nom de l'écrivain fictif qui est joué par Clive Owen, c'est marqué Stephen King. Voilà. Stephen King a toujours joué là-dessus, en fait. A ouais. toujours joué avec la réalité. Et je me demande même si il ne se met pas en scène. J'y mettrai pas ma main à couper parce que ça fait très longtemps. Mais pour moi, il se met en scène dans un des tomes, au moins, de La Tour Sombre. La Tour Sombre, qui est sa grande saga de fantasy qui avait été adaptée de manière absolument sanguine avec Matthew McConaughey. C'était terrible, mais je crois qu'ils sont en train de le refaire... pour la télévision, enfin bref, il y a toujours eu plein de projets autour de La Tour Sombre. Ok. Mais à chaque fois, ouais, je peux pas m'empêcher aussi de penser à L'Antre de la Folie de Carpenter, qui prenait aussi une figure d'écrivain d'horreur qui s'appelait Sutter Kane, avec les lettres SK. Là, la référence était assez évidente à ouais. Stephen King. Mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est ces écrivains qui nous parlent d'écrivains qui écrivent le même style de livre, c'est toujours marrant. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait dans l'esprit des gens, Stephen King c'est quelqu'un qui écrit de l'horreur, donc des choses qui n'existent pas, mais il a quand même toujours une manière d'ancrer ses récits dans le réel, en fait, parce qu'il entretient toujours quand même pas une sorte de doute. On n'est pas dans le fantastique, on sait qu'on est dans un univers de fiction, mais pour autant il y a plein de choses dans cet univers de fiction qui font partie de notre monde à nous, et je pense que ça participe de l'efficacité de sa littérature, en fait. C'est que quand on lit un livre de Stephen King, à un moment donné il y a toujours le monde réel qui vient nous rattraper comme ça, donc en fait insidieusement on se dit que tout ce qui est faux alors est peut-être vrai aussi. Donc voilà, c'était La Part des Ténèbres de Romero, adapté de Stephen King. Et alors peut-être pour terminer, on peut vous parler très rapidement d'un film dont on est tenu de vous parler et qui ressort à la fois en DVD, en Blu-ray et en salle, et on pense qu'il va rester un petit moment. Donc si effectivement il est encore en salle près de chez vous quand vous entendez ça, courez-y, parce que c'est en salle qu'il faut le voir. C'est un film qui pour moi a été une des pierres fondatrices du grand mur de ma cinéphilie. C'est Basic Instinct de Paul Verhoeven. Je croyais que tu disais Basic Instinct. Oui, bah écoute, je ne sais pas. Non, quand j'étais petit, je disais Basic Instinct. Non, on a eu ce débat-là avec un autre titre de film. Mais je disais Basic Instinct. Bah, c'est pas ce qu'on avait dit. Si on en avait parlé de Basic Instinct. Oui, bref, c'est pas grave. Mais non, on parlait d'un autre Basic titre. Instinct, on parlait un des films préférés. Je prends les auditeurs à témoin. Prouvez, envoyez-nous l'extrait. Je suis sûr que je disais Basic Instinct, mais que pour autre chose, je le prononçais à l'anglaise. Virgin Suicide. Voilà, je disais Virgin oui, Suicide. Mais après, moi, j'avais pris l'exemple de Basic Instinct. J'avais dit, on dit pas Basic Instinct, on dit Basic Instinct, mais c'est vrai que t'avais pas confirmé. Et moi, je disais que j'avais dit Basic Instinct. Ah, ok, très bien. Voilà. Mais que je disais Suicide. Voilà. C'est QFD. Bon. C'est éclairci. Regardez, c'est magnifique comme ce podcast est un long fleuve comme ça où les choses reviennent, s'en vont et tout. Et donc, Basic Instinct de Paul Verhoeven, que dire. Merci Paul d'avoir fait ce film. Ça nous a donné notre magnifique logo. Voilà. Et puis, voyez-le. Profitez du fait qu'il ressorte au cinéma pour aller le voir. C'est je sais même pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Faut aller le voir. Comment s'appelait déjà ce scénariste un peu sulfureux? Joe Esteraz. Joe Esteraz. Bah oui, mais bien sûr. Et la musique de... Oh là là là là là là. Je crois que j'ai l'adaptation en roman de Joe Terras de Basic Instinct, si tu veux. Oh, bon, il a sûrement fait. Il a sûrement fait ce genre de truc. Je doute que la traduction soit très bonne. Non, mais la musique, parce que la musique est géniale quand même, ce thème. Comme vous voyez, on ne fait pas de podcast de chanson parce que je ne sais pas chanter. Jerry Goldsmith. Ouais, Jerry Goldsmith. Mais oui, mais c'est ça. En fait, en plus, Basic Instinct, c'est toute une époque. C'est le film qui lance la mode du thriller érotique qui, après, nous a donné des films un peu plus douteux comme Harcèlement, toujours avec Michael Douglas. Enfin, c'est quand même le film qui fait la moitié de la carrière de Michael Douglas parce qu'après, il va passer je ne sais pas combien de films à baiser des meufs parce qu'il est Michael Douglas et qu'il l'a fait dans Basic Instinct. Donc, non, vraiment, c'est... Je vois qu'il y a Jane Triplehorn aussi, j'avais oublié. Jane Triplehorn qui joue la psy. Ouais. La psy, ouais, ouais, bah avec oui. Tom Cruise dans la firme. Bah ouais, ouais, non, mais c'est un film qu'il faut avoir vu. Donc voilà, vous allez vous sortir les doigts du cul et vous allez soit aller le voir à côté de chez vous, soit aller dans votre librairie préférée ou dans votre boutique de DVD préférée et demander à votre libraire ou à votre vendeur de vous le commander. Et vous n'irez pas sur Amazon parce qu'il n'y a pas besoin, tant qu'il y a encore des boutiques hein, dans les villes. Voilà, soyez sympas, faites bouffer les gens autour de chez vous. Et non pas, les faites pas trimer dans des entrepôts, dans des conditions de travail pas possibles, s'il vous plaît. Mais voilà, allez-y, allez voir Basic Instinct d'une manière ou d'une autre. Tu as précisé la date de ressortie ? Non, mais dis-moi. Le 16 juin. Le 16 juin. C'est aujourd'hui. C'est le jour où on enregistre. Voilà. C'est un signe. Et c'est chez Studio Canal. Tu vois, ça, j'ai même pas besoin de le regarder. Je suis sûr que c'est chez Studio Canal. Voilà. Malheureusement, cette fois-ci, moi, quand j'étais petit, j'avais déjà demandé l'édition collector. À l'époque, ils offraient un pic à glace en plastique avec un stylo dedans. Mais bon, là, je crois qu'il n'y a pas ça. Peut-être quand ils vont sortir le remake avec Virginie Efira et Louis Garrel. C'est une blague. Ah non, mais ça, si Paul Verhoeven refaisait Basic Instinct aujourd'hui avec Virginie Efira. Mais c'est que je vois l'affiche là et on dirait presque Virginie Efira. Oui, parce qu'ils ont refait, l'affiche, ouais. C'est pas l'affiche refaite, ça, je crois. Mais oui, bref. Bon. Basic Instinct, dans vos salles obscures. Ouais. Eh bien, là encore, ça en fait des belles choses à voir. Et j'espère, Jean, que nos auditeurs vont nous emmener dans des contrées cinématographiques aussi fertiles que celles que nous venons d'évoquer, car voici venue l'heure de message personnel. Merci. Allô ? Messagerie Orange, bonjour. Allô ? La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Allô ? C'est ridicule. Merci de patienter, nous traitons votre demande. Allô ? Le numéro que vous avez demandé... Madame, que voulez-vous que j'y fasse ? ...ou n'est pas accessible. Vous êtes très désagréable. Mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de sortir. Ah là là, décidément, Simone a toujours autant de problèmes sur sa ligne. Aujourd'hui, deux messages. Un message de Manon et un message de notre cher acolyte Lucas, qui malheureusement ne peut pas être présent au moment où nous enregistrons cet épisode. Par lequel on commence ? Allez, honneur aux femmes. Honneur aux femmes, depuis le début. Manon. Oui, salut le Home Alone. J'ai appelé parce que tout le monde me parle d'une série qui a l'air un peu pourrie. Ça s'appelle Le Serpent sur Netflix et je voulais savoir s'il fallait mater. Merci. Ah, Manon. Oui, effectivement, on en a entendu parler. The Serpent, avec Tahar Rahim sur Netflix. Eh bien, on l'a regardé, hein, pour toi. On a joué les éclaireurs. Jean, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de The Serpent ? Est-ce que t'en as pensé quelque chose ? On a regardé le pilote. Ouais. Et disons que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez... Ouais, enfin, moi, ce que je retiens, je vais pas dire grand-chose de la série, mais ce que je retiens de l'épisode pilote, c'est surtout que c'est assez brouillon et que ce va-et-vient, deux mois plus tard, deux mois avant, est oui. assez... Oui. ne marche pas du tout. Oui. Et On veut nous emmener dans une construction narrative très complexe, à base de flashbacks et de flash-forward. Et c'est d'une lourdeur, mais c'est d'une lourdeur. Limite, par moment, on ne comprend plus. En fait, on s'en fout de ne pas comprendre. Et ouais, ça, c'est un des gros problèmes pour moi. Pour moi, l'autre gros problème, c'est la reconstitution, hein, qui est très, très propre, qui est très bien faite. Tous les costumes sont parfaits, toutes les voitures sont parfaites, tous les décors sont parfaits. Ça pue le chef d'écho en même temps, bien appliqué. Peut-être, mais là, je trouve que la mise en scène, par contre, elle n'est pas classe du tout. Quoi. Enfin, mais oui. C'est très brouillon, on dirait ouais, un mec qui sort de nulle part, qui a réalisé un truc un peu à l'arrache. Ouais, ça fait très... ouais, c'est très étonnant. Ouais. Enfin, c'est dommage pour tard. C'est le problème... Bah oui, c'est dommage pour tard, parce que... C'est dommage pour tard, parce que... c'est un bon acteur. Et puis, en plus, il est bon. Même dans tout ce merdier. Voilà, moi, je le dis. Il est bon. Il arrive à être bon. Alors que pourtant, il est quand même assez ridicule avec ce truc qu'on lui a mis sur la tête. Là, je sais pas si c'est ses cheveux ou si c'est une perruque. Plus, j'ai l'impression qu'on lui a mis une sorte de lentille ou je sais pas quoi. Enfin bref, il est ridicule. Mais pour autant, il arrive quand même à être bon. Il arrive à être glaçant. Il arrive à être mystérieux, même si on lui a écrit un personnage... avec un marqueur indélébile. Donc, franchement, chapeau à Tahar Rahim d'avoir réussi à sauver au moins ses meubles à lui dans cette aventure qui est un gros fiasco, quoi. Et puis, faut qu'on arrête avec les coproductions foireuses. Là, sous prétexte qu'il y a la BBC au générique, on nous claque cette meuf là qui jouait dans Doctor Who comme étant la femme de Tahar Rahim. Alors évidemment, c'est une Anglaise qui parle pas français, mais à qui on doit faire parler français parce que le personnage est français et qu'on a décidé que tout le monde parlait un peu la langue de son personnage. Donc forcément, c'est ridicule, comme à chaque fois. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas prendre un coach juste pour apprendre aux acteurs anglophones à parler français quand ils doivent parler français, ou un coach français pour apprendre à parler français aux anglophones. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Même moi, je deviens aussi confus que cette putain de série. Donc, moi, ça m'énerve. Voilà, moi, ça m'énerve quand... du talent comme celui de Tahar Rahim est gâché dans des trucs comme ça. S'ils avaient passé moins de temps à essayer de faire leur maison Playmobil des années 70 et plus à essayer de raconter une histoire, à essayer de faire un film, eh ben on se serait retrouvé en face d'un truc regardable. Là, franchement, je n'ai même pas pu aller au-delà du premier épisode. Qui fait ce truc ? Est-ce que t'as un nom là, Jean, ou... C'est ce que je suis en train de regarder, ouais. Je ne connais absolument pas. Déjà, c'est la BBC, BBC ouais. One qui fait ça. Ouais. Et j'en connais. J'ai des noms, mais ils n'ont pas d'article. Il y a Richard Warlow et Toby Finlay. Ça, c'est quoi ? C'est les réalisateurs ? C'est written by. Ouais, mais on s'en fiche, ça. J'ai pas le créateur. Il n'y a pas de showrunner, il n'y a rien. Non. Non, j'ai pas de nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Tom Shankland qui réalise quelques épisodes, qui est un réalisateur qui, grosso modo, a fait un bon film qui s'appelait The Children, un film d'horreur où des gamins... Ça, c'était très bien. Mais voilà, enfin, ça, c'est typique. Vous êtes réalisateur de cinéma, vous avez fait un ou deux bons films, et ensuite, comme beaucoup, il y en a beaucoup qui se mettent à faire des épisodes par-ci, par-là de séries. Je pense pas qu'il soit investi. Enfin, c'est pas le réalisateur de toute la saison, et voilà, quoi, enfin... Il fait le taf vite fait, quoi. On peut au moins dire que, au moins grâce à The Serpent, je pense que The Serpent n'est peut-être pas pour rien dans la nomination de Tahar Rahim à l'Oscar, là, parce qu'il était nommé pour Le Mauritanien, non ? C'est pas ça ? Je sais plus si c'était pour ça. Ouais, ça devait être le Mauritanien, ouais, je crois. Donc bon, disons-nous qu'au moins, Tahar, en ayant joué dans ce truc BBC Netflix vraiment bancal, ce sera donné un peu de visibilité à l'international et que ça lui aura valu une nomination à l'Oscar. Donc, tant mieux pour lui. Voilà. Donc pour The Serpent, on va en rester là et on va passer... malheureusement, Manon, on écoute plutôt les choses dont on parle dans le podcast. Je pense que tu te mettras mieux. Et allons voir du côté de Lucas. Alors, notre pauvre Lucas, qui visiblement, je sais pas, est coincé dans un bus. Je n'ai pas très bien compris. Enfin, bon. Salut Home Alone, c'est Lucas. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir participer à la deuxième édition de l'émission. Mais c'est comme ça. Du coup, je vous appelais quand même pour savoir, parce que là, j'ai un trajet en bus d'une dizaine d'heures. Ça va être long. Et il y a une nouvelle série qui s'appelle Mare of Easttown avec Kate Winslet, je crois, si je ne me trompe pas. Je voulais savoir si ça valait le coup, si vous pouviez me dire un petit peu. Voilà, c'est tout. À la prochaine, j'espère. Ciao, ciao. D'accord. Donc, Mare of Easttown. Donc, c'est une série HBO, si je ne me trompe pas, une mini-série. Oui, c'est ça, en 7 épisodes, je crois, avec Kate Winslet. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est une actrice qu'on aime beaucoup ici. Donc ça va être dur d'en parler méchamment, mais s'il le faut, on en parlera méchamment. Mais non, en fait, il n'y a rien de méchant à dire. Pour le moment, Jean, on a regardé quoi ? On a regardé le pilote, c'est ça ? Ça commence bien. Pour moi, c'est-à-dire que le décor de cette ville est planté. Voilà, c'est une petite ville américaine très tranquille, trop tranquille, diraient certains, dans laquelle, par exemple, Kate Winslet, qui joue la flic de la ville, se fait appeler de bon matin par des vieilles qui pensent que il y a des pervers qui reluquent leur petite fille par la fenêtre. Enfin bon, rien de très mouvementé sous le soleil de Easttown, jusqu'à ce que, on ne sait pas, parce que, enfin si, on sait, jusqu'à ce que disparaisse et meure une jeune fille après une soirée un petit peu mouvementée. Et donc, ce sera ça l'idée des 6 épisodes suivants, ce sera de trouver qui a tué cette fille, sachant qu'un an plus tôt, a déjà disparu une autre jeune fille que l'on n'a jamais retrouvée et surtout on n'a aucune idée de si elle a disparu ou si elle s'est faite trucider. Donc pas grand chose à en dire pour le moment, mis à part que si on a le temps, on regardera l'épisode 2, je dirais. Pas grand chose à en dire. On sent clairement la qualité de l'écriture des personnages. Le casting est très bien. Peu d'acteurs connus, mais genre on sent que voilà. Chaque personnage a vraiment bien été écrit. Il y a une identité. Enfin, en un épisode, on y croit quoi. Enfin, c'est ça. Et Kate Winslet a cette qualité, je trouve, de savoir, malgré son statut de star, se mélanger à un casting de non-star. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On ne peut pas mettre tous les acteurs stars dans un film où il n'y a pas de stars. Elle y arrive sans problème. En fait, elle sait se faire discrète, entre guillemets. Je sais pas si c'est, enfin, en tout cas, ne pas trimballer avec elle son aura de star. Donc, écoute, si tu as beaucoup d'heures de bus devant toi, regarde la suite et puis écoute, on débriefera de tout ça après, peut-être dans un futur épisode, puisque ça tombe, ça devient super et on en parlera dans Home Alone. Et ouais, voilà, continuez à nous laisser des messages, on continuera à essayer de vous aider. Et si jamais, donc, comme Manon, comme Lucas, vous n'êtes pas bien, que vous cherchez un remède filmique au mal qui vous ronge, si vous vous demandez si ceci, cela vaut la peine d'être vu, donc n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, personnel ou non, au 03 74 44 89 49, prix d'un appel local pour ceux qui vivent dans le Nord, numéro non surtaxé. On écoute tous les messages, on répond à tous les messages, à l'antenne ou hors antenne. Donc allez-y, lâchez-vous. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce fragment d'épisode. On espère que vous apprécierez ces quelques recommandations et ce petit moment passé en notre compagnie. On vous retrouve dans 15 jours pour les chroniques de l'Interlace, chroniques dans lesquelles nous poursuivrons notre discussion de la dernière fois à propos de nos cinéphilies 2.0. Et pour Qu'est-ce que le cinéma, où nous discuterons cette fois avec Léna, qui nous racontera ce que c'est que d'être stagiaire sur un film. Voilà.